La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bonsoir, cher public, et bienvenue à une toute nouvelle saison de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission fromagée d'affaires publiques sur les ondes de CFOU 89.1, en compagnie de vos deux animateurs, le délicieux Lucas Hubert. Bonjour. Ainsi que moi-même, Sébastien Gertin. On s'excuse tout d'abord pour le délai. On a eu des petits problèmes techniques au début de l'émission, comme une porte, entre autres, qui apparemment est un appareil extrêmement complexe. Ceci étant dit, vu qu'on n'est pas en onde depuis le printemps dernier, c'est pas à cause de ça qu'on est en retard, en fait. On a cru bon de rappeler un peu notre histoire et notre mission, comme une petite introduction pour les nouveaux auditeurs. Donc, comme toutes les bonnes histoires, ça commence avec la révolution bolchevique. OK, non, je te laisse. Donc, regard de mépris de ma part. Tel que dit en ouverture, on est deux. Moi-même et Lucas. Les deux, on est étudiants à la maîtrise en philosophie, ce qui est un peu une nouveauté. Les deux, on se spécialise en éthique appliquée et en philo-politique. On avait commencé l'émission il y a un peu plus d'un an, parce qu'à l'époque, il manquait une émission d'affaires publiques plutôt à gauche du spectre politique, parce qu'il y en avait une à droite. Émission qui n'existe plus, je crois. On les salue. On essaie aussi de ne pas trop se prendre au sérieux et de, malgré qu'on penche un peu à gauche, on essaie d'égratigner tout le monde égal. Aussi, étant donné qu'on est un peu des geeks finis, attendez-vous à entendre parler de Star Wars, Doctor Who et autres sous-cultures du monde poche en sport. Les présentations étant faites, je crois qu'on va aller tout de suite en musique. Question que je reprenne un peu mon souffle avec les Canailles et la chanson Margarita. Donc, c'était les Canailles avec Margarita. C'était bien bon. C'était bien bon. C'était bien bon et c'était un petit peu agace de fin. À deux fois pendant la tune, on pensait qu'elle était finie, mais non, elle continue. Donc, c'est ça que ça fait de prendre un CD à botch à la dernière minute. Donc, toujours dans une optique de reprendre où nous avions laissé les choses l'année dernière, on s'est dit que, en fait, Lucas, tu nous as préparé, semi-préparé, dis-je, un petit recap de ce qui s'est passé au provincial depuis le printemps dernier, en fait. Ben exact, ça va faire presque un an là, qu'on a quitté les ondes. Il s'en est passé des choses depuis, puis on s'est dit que probablement que vous vouliez notre opinion sur ce qui s'est passé depuis la dernière année. Bon, pas tellement, là, mais par contre, on a quand même une campagne électorale au provincial qui s'en vient, puis peut-être ça ferait un petit peu du bien à tout le monde d'avoir un petit refresh sur qu'est-ce qui se passe avec nos partis politiques, hein? Fait que, on va commencer en force, hein? Le PQ, il se passe pas mal d'affaires au PQ. Oh oui, c'est intéressant. Ça s'écoute avec du pop-corn, j'ai l'impression, quand on suit. Mais ça a toujours été un peu ça. T'sais, comme on disait en préparant l'émission tantôt, le PQ, à la base, c'était un parti de coalition. Ouais. Ils ont comme oublié la partie coalition, puis ils se sont juste rappelés de la partie, ils viennent pas tous de la même gang, on dirait. Effectivement. Ben, t'sais, comme le disait ce matin Mathieu Bock-Côté, hein, le PQ est un parti très fermé qui n'accepte que des social-démocrates et qui refuse tout nationalisme. Ben, c'est ça, il n'y a aucun nationalisme au PQ. J'ai pas vu ça passer, en tout cas, s'il y a du nationalisme au PQ. Ben non. Non? Non, toi non. Il n'y a jamais de salut au drapeau, puis de gossage, de crucifix, puis de patrimoine. Puis j'ai la fleur de lys plus tatouée que toi. Ouais. Ben, j'écoutais hier une entrevue avec à Radio-Canada avec Véronique Yvon, hein, une des députées que j'aime bien du PQ. Madame Véronique Yvon. Madame Véronique Yvon, oui. Je trouvais en même temps que son discours avait un petit quelque chose de symptomatique par rapport au PQ. Je veux dire, elle disait que il fallait oublier l'idée de souveraineté comme une fin en soi. T'sais, on fait pas la souveraineté genre pour le trip de se dire « Yes, on veut que le Québec soit un pays. » Elle dit « Si on veut faire la souveraineté, il faut se dire que c'est pour améliorer le bien-être individuel et collectif des gens. » J'étais comme « Crime! » Ça me parle un peu plus que le discours habituel du PQ, ça. J'étais comme « Je suis bien d'accord. » Là, je me dis « Je vais continuer à écouter. » Elle va me donner des exemples de en quoi la souveraineté du Québec, hein, ça pourrait être pour le plus grand bien commun. Puis là, c'est le moment où ce qu'elle a... Ouais. C'est ça. C'est le moment où je suis déçu. Là, où, j'ai comme « Ah! Tu t'en allais dans quelque chose qui aurait pu me convaincre, mais non! » En fait, pourquoi la souveraineté du Québec serait quelque chose de bien pour tout le monde? Parce qu'on ne vivra plus sous le joug du fédéralisme. Non, ben, en fait, ce qu'elle disait, c'est que c'est bien en soi la souveraineté parce que ça va rapprocher le pouvoir du monde. Puis tu vois, ça, c'est un argument avec lequel j'ai quand même pas mal de difficultés. Je veux dire... C'est quoi, quand un gouvernement provincial décide de couper un peu partout dans les services publics, je veux dire, c'est nécessairement pour le plus grand bien parce que c'est une décision qui est prise près de moi. Puis de l'autre côté, quand c'est le fédéral qui décide qu'il, je sais pas moi, il réinvestit dans la santé, ça, c'est pas correct parce que les décisions ont été prises plus loin de moi. Fait que, non, ou encore, quand le provincial fait une loi complètement partisane qui vise juste à faire du clientélisme électoral et qui crée des problèmes pour certaines populations plus à risque, et que finalement, ben, le fédéral annule la loi ou la Cour fédérale, la Cour supérieure ou la Cour... La Cour suprême, c'est le mot que je cherchais, merci. La Cour suprême renverse ça, ben là, finalement, on serait pris avec... c'est plus loin du monde, mais... Ouais. Non, mais c'est ça. Je me dis, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est... Pourquoi pas? Hein? Moi, je suis pas contre le fait qu'on... Je veux dire, je suis pas en tant que tel un souverainiste, mais c'est, si vous réussissez à sortir des arguments puis à me convaincre, je vais les écouter, puis s'ils sont bons, ben j'aurais pas le choix de les accepter, mais... Qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Convainquez-moi, j'attends juste ça. Ben, c'est tu sais, les décisions plus proches du monde, ça peut être autre chose quand même. C'était probablement... là encore, c'est quelque chose qui a besoin d'être illustré. C'est-à-dire, les décisions vont se prendre plus proches, c'est déjà un principe abstrait. Hein? C'est l'erreur de bien du monde qui ont plein de bonnes idées, mais peu de mais qui ne l'ont pas pour l'application, l'exécution. Ouais. C'est un peu comme les films de David Ayer. Donc... Sinon, les autres partis, hein, moi j'ai suivi avec un peu de popcorn aussi toute la saga de Québec solidaire, de leur congrès il y a quelques mois. Je trouve ça bien. Bon, il y a eu, pour ceux qui ont suivi ça, la fusion avec OM. Hein? La fusion autant qu'un globule blanc fusionne avec une bactérie. Là. Non, mais tu sais, je me dis, ça va vraiment renverser l'échiquier politique du Québec, là, hein, la fusion. Là. Mais... Hey, là, en plus, tu as vu, là, ON ont réussi à faire modifier un gros changement dans la plateforme de QS. Hein? Comme quoi que maintenant, dans la plateforme de QS, il avoue que le fédéralisme canadien est un système d'oppression pour les Québécois, à même titre que tous les autres systèmes d'oppression, hein, la pauvreté, le racisme, etc. C'est la même affaire, le fait qu'on ait un gouvernement fédéral. C'est exactement la même chose. Ouais. Ouais. On va laisser ça. On va laisser un petit silence. Puis bon, hein. Faut quand même faire plaisir aux quatre membres d'Option nationale qui ont rejoint QS. Là, fait que, ah, effectivement. Ouais, quoi que. Faut bien justifier le mauve dans le nouveau logo, hein. Ouais, ouais. Bon, hein, on salue Sal Zanetti. On l'aime bien de toute façon. Là. Ses lunettes sont awesome. Ses lunettes sont vraiment awesome. D'ailleurs, on va faire une parenthèse, mais c'est une mission que je me donne de question de d'égaliser. T'sais, on n'arrête pas de dire qu'il faudrait arrêter de parler les femmes qui ont un rôle public. Mettons, il faudrait arrêter de parler de leur linge puis tout. Moi, j'ai décidé que l'égalité, je vais la faire d'une autre manière. Je vais me mettre à ostiner sur le style des politiciens hommes. OK. Question de leur donner le même traitement que les femmes ont. Ça va être drôle. OK, on va faire ça. Oui, j'ai bien hâte de te voir, mais qu'on arrive à Legault de bord. Ouais. Il y a des belles cravates. Sinon, pour Québec solidaire, il y a aussi eu le scandale alentour. Là, hein? Est-ce qu'il faut abolir le mot patrimoine, imaginoire, tout ça? Puis là, je te vois qui me fait des gros yeux. Puis bon, on va faire la part des choses qui n'ont pas été faites nécessairement dans tous les médias. Ça n'a pas été... C'était des positions, c'était des trucs qui étaient dans le carnet, des trucs qui allaient être discutés pendant le congrès, OK? Base, blâmer Québec solidaire pour ça, c'est un peu gros. Hein? En fait, la vraie gaffe de Québec solidaire par rapport à ça, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui l'a fait, c'est qu'il est parti à défendre l'idée sans mettre le contexte. Donc, il est allé dire, ben oui, mais pour telle raison, il faudrait faire ça, c'est pour ça qu'on en discute, puis tout. Ce qui a passé, avec raison, pour, ben OK, on défend cette idée-là, effectivement. Après ça, Manon Massé, mais tu sais, les nouvelles justes, efficaces et réelles, des fois, ça pogne un peu moins, mais Manon Massé l'a dit à plusieurs reprises en public que, ouais, c'était une question, c'était une ligne dans un feuillet de plusieurs pages des affaires qu'on avait à discuter en fin de semaine. Arvenez-en. Mm-hmm. Mais en même temps, je trouve que si en même temps on peut pas blâmer le parti pour cette chose-là, je trouve qu'en même temps, ça aussi, on peut dire qu'il y a un petit quelque chose de symptomatique, c'est-à-dire que ben, ça reste que s'il aurait fait le congrès en dehors de l'île de Montréal, ils se font souvent reprocher d'être très montréalais, QS, j'ai l'impression que c'est le genre d'affaire que... On n'aurait pas eu ce débat-là si le congrès avait été à Shawinigan, Gaspé ou n'importe quoi. Quand le congrès était à Trois-Rivières, il y a eu le même genre de questions qui a été posées. C'est parce que ce qui arrive, c'est que n'importe qui peut proposer des trucs qui vont être discutés. Fait que Je veux bien, là, mais forcez-vous à un moment donné pour parler au monde en dehors de votre... Je sais pas. Bon, hein, pour les prochains, la CAQ, hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec la CAQ? On dirait qu'ils n'ont pas tant fait parler d'eux autres, puis pourtant, ils surfent. On dirait que leur stratège ne savait pas trop quoi faire, là, puis qu'ils hésitaient entre voler des électeurs au PLQ en frappant ses pauvres ou voler des électeurs au PQ en frappant ses immigrants. Puis à un moment donné, ils se sont dit « Hey, pourquoi choisir? Hein? On peut aussi bien faire les deux. Ça va fonctionner. » Puis regarde, les sondages leur donnent raison. Hein? Sérieusement, je le comprends pas, là, cette espèce de vague caquiste dans les sondages récemment. Là encore, on en parlait avant l'émission, tu sais, ça fait quoi, 17 ans que le PLQ est au pouvoir au Québec? Oui, oh, oui, si on oublie la malheureuse parenthèse. Le 18 mois péquiste, Marois, là, ouais, c'est ça. Oui, on devrait dire même le 18 mois Marois, là. C'est ça, c'est quand même 17 ans. Je pense qu'il y a un peu une... En même temps, ça, c'est peut-être symptomatique du Québec, ce coup-là, de dire, ben on va essayer, on veut du changement, mais pas trop de changement. Fait que la CAQ est un peu... brun pâle au brun foncé. C'est ça. Ben, la CAQ est un peu une espèce de synthèse du PLQ puis du PQ. Moi, je trouve que c'est un parti qui est intéressant en tant que bébite. Là, je veux dire, sociologiquement, c'est intéressant. Là. c'est une bébite. C'est la CAQ qui aurait dû avoir un logo mauve, en fait, parce que c'est vraiment une belle synthèse de, bon, qu'est-ce qui est payant? OK, on va parler d'économie. Notre chef de parti, c'est un homme d'affaires. Il est parti d'une compagnie d'avions. Ça fait rêver. Il est millionnaire. Écoute, hey, il a de l'argent. Il connaît ça, l'argent. Lui. Fait qu'on va parler d'économie. On va parler de projets, ainsi de suite. OK, des grosses affaires qui coûtent cher. Parfait. Ah oui, mais c'est pour nous faire de l'argent. Fait que quand lui, il en parle, ça a l'air intelligent. Il sait dans quoi investir, c'est un homme d'affaires. Fait que ça, c'est une affaire. Fait que ça va chercher un peu la clientèle là, qui veut se faire parler d'économie du PLQ, mettons. Puis que souvent, c'est le monde qui comprenne le moins quelque chose de l'économie qui veulent en entendre parler. Mais ça va chercher un peu cette clientèle-là. Puis de l'autre côté, ben, on parle de clientélisme électoral, ben, ils vont chercher la clientèle identitaire, c'est-à-dire les anciens péquistes un peu déçus, un peu tannés d'entendre parler de souveraineté, mais qui ne sont pas tannés d'entendre parler d'identité, qui a peut-être un peu de xénophobie latente derrière ça, sans parler de la grosse xénophobie, juste du... pas de la haine de l'autre, mais juste une petite odeur Union nationale en arrière de ça. Là. Ouais, quand même. J'écoutais, c'est Legault, je pense, là, quelques semaines, là, qui disait là, qu'il fallait que les femmes recommencent à faire des bébés. Puis comme, ben voyons donc, on est-tu sous Maurice Duplessis? Un retour à la terre avec ça? Ouais, ben on entend parler depuis longtemps. On a un problème de dénatalité au Québec, mais c'est pas juste au Québec, c'est en Occident au complet. Puis l'immigration vise un peu à pallier à ça. Mais c'est vrai que ça a l'air d'un petit quelque chose. Les femmes, il faut qu'ils se mettent à faire des enfants. Bon, premièrement, ça se fait à deux. Là. Hein? Je sais pas si François Legault en tout cas, bref. ça serait mieux de parler des vêtements, je pense. Il est quand même occupé. Hein? on pourrait demander comment est-ce qu'il peut pallier avec tous ses projets puis en même temps s'occuper d'un parti au provincial. Là, mais comment vous gérez votre emploi du temps, M. Legault? On lui envoie l'invitation s'il veut venir en Inde nous parler de ça, comment il gère ça, sa vie au jour le jour. Oui. S'il fait des bons petits plats à sa blonde ou je sais pas quoi. Puis pour finir, hein, le PLQ, on a-tu eu des choses à dire sur le PLQ? Parce qu'on s'entend qu'on est en année électorale, fait que j'ai l'impression que c'est drôle parce qu'en même temps, autant on a passé 4 années absolument horrible, autant c'est difficile de dire dans les derniers mois c'est quoi les gaffes qu'ils ont faites, mais hein, on est en année électorale, puis il y a le côté hypocrite hein, de dire « Ah, ben regardez à quel point on a un plan de réinvestissement », alors que t'es comme « Ben oui, mais ce que tu réinvestis, c'est comme les miettes de ce que t'as coupé dans les 3 dernières années. » Ah oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, hey, on a enlevé, on a mis, il y a beaucoup plus de gens qui ont besoin d'aller chercher des paniers de nourriture dans un centre communautaire. Il y a moins de ces paniers de nourriture-là, mais on va leur donner 2-3 pommes. Regardez comment on est fin. Ça fait une bonne image. C'est exactement ce qui se passe, en fait. On a coupé des centaines de millions dans santé, dans les services sociaux, dans les pardon, dans l'éducation, puis on va rajouter « Ah, tiens, voilà 25 millions, gâtez-vous. » Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu leur chance. Je pense qu'il y a un petit vent de panique hein, parmi les rangs du PLQ, parce qu'ils sont habitués, ils ont leur ligne pour le PQ, hein, fait référendum, craignez, cachez-vous en dessous de vos bureaux, si le PQ, il rentre dans un référendum, puis là, ils sont comme contre la CAQ, puis c'est un peu difficile de dire, mais l'élection de 2014, ça a été que ça, puis c'était la grosse remarque, la grosse affaire qu'on en avait retenue, c'est les seuls qui ont parlé de souveraineté, c'était le PLQ, en fait. Ah oui. C'était juste ça, le PQ a fait campagne en 2014, on se rappelle, le PQ a fait campagne sur le fait de ne pas faire de référendum. Mmh. Avec Élisée Premier, ça c'est pas en train de changer d'ailleurs, ça. C'est les seuls qui ont parlé de souveraineté, ça a été le PLQ, puis c'était pour faire peur au monde. En fait, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'ils font même pas peur au monde avec la souveraineté, ils font peur au monde avec le référendum. Ça, c'est encore plus grotesque, en fait, parce que le référendum, si vous avez si peur de ça... Que la citoyenneté... En fait, les fédéralistes devraient être les premiers à vouloir un référendum parce que c'est les premiers à dire « Ah, ben tout le... Puis personne s'intéresse à ça, la souveraineté, puis tout. » Ben OK, faisons-le, le mot à dire référendum, éclairons la situation de bonne fois pour... La question de bonne fois pour toutes. Un référendum qui passe pas encore, ça va un peu tuer l'idée de la souveraineté, en tout cas dans la forme actuelle, là. Mm. Ça va rendre un peu caduque toute défense de la souveraineté là, de la manière classique qu'on l'a vu depuis quelques années. Fait que tout le monde serait gagnant à avoir un référendum. L'idée, c'est ça, c'est de savoir bon, qu'est-ce qu'il y en est réellement. Un référendum, faut pas oublier que l'idée de base, c'est de consulter la population. Mm. En soi, c'est pas mal, là. C'est ça, C'est comme si les gens qui disent « Ah, la souveraineté, c'est passé date, on veut pas en entendre parler, il n'y a plus personne qui s'intéresse », disaient du même coup « Ouais, mais là, si on fait un référendum, ça va repasser, puis ah non, là, ben là, ça veut dire, ça se peut que ça passe quand même, là. » C'est même le PQ abandonne l'idée du référendum, parce qu'ils savent bien que... Ben, ils n'ont pas abandonné l'idée du référendum, mais ils font juste... Ils ont abandonné sur le moyen terme? Ou? Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on pourrait dire, plutôt. Bon. Donc, Mais ça, c'est cyclique encore. La fameuse idée de gouvernance souverainiste, ça revient puis ça repart, là. Mais d'ailleurs, parlant de choses qui reviennent et qui repartent, on est déjà dû pour une pause, en fait. Rebonjour, cher public, vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission de La fierté gauche sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Juste avant la pause, on a expliqué un peu en quoi notre émission consiste et on a parlé de l'état de la politique provinciale depuis notre dernière émission, ce qui nous amène à faire l'hommage d'un grand homme. De qui je parle? De qui je parle? Pas de Luke Skywalker. Je parle de... En fait, depuis notre dernière émission, il y a eu un grand décès. C'est l'amiral Ackbar dans Star Wars. S'il te plaît, coupe la musique. Merci. Donc, je suis incapable de me concentrer avec ça. J'ai donné des frissons partout. Donc, Jial Ackbar, de son nom complet, est notamment connu pour sa phrase célèbre du Retour du Jedi. « It's a trap! » C'est l'espèce de face de poisson avec des gros yeux ronds, là. Donc, c'est ça, les fans plus casual de Star Wars ou encore les gens qui étaient actifs sexuellement au secondaire peuvent toutefois ignorer l'importance de l'amiral amphibie. En su de son rôle de chef de flotte lors de l'attaque de la deuxième étoile de la mort, Ackbar a été actif dans tous les conflits galactiques de son vivant, toujours du côté des gentils. Hein? C'est un bon monsieur. C'est un bon monsieur. Et oui. Et d'ailleurs, une chose importante sur Wikipédia, qui est un peu l'espèce de Wikipédia non officielle de Star Wars, on rappelle que dans un des romans, l'amiral Ackbar spécifie qu'il aime bien s'entraîner beaucoup pour garder son corps affûté et flexible. Donc, c'est encore plus drôle vu que c'est une espèce de poisson anthropomorphique, c'est le mot que je cherchais. Donc, évidemment, ben, une chose importante aussi à dire de lui, ben, c'est sa plus grande contribution, c'est évidemment le meme « It's a trap ». Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de parler de ça ici. En fait, c'est que le personnage a été tué sans cérémonie, hors caméra, dans le dernier Star Wars. Donc, loin de moi l'idée de partir à un débat à savoir si The Last Jedi était le meilleur ou le pire des Star Wars, mais le décès d'Ackbar est clairement dans la colonne des contres. Ceci étant dit, une chose qu'on aime beaucoup faire dans nos émissions, en fait, c'est faire ce qu'on appelle les politiques fiction. En gros, c'est qu'on prend un ouvrage de fiction qu'on aime bien, nous-mêmes, et on va parler un peu de qu'est-ce qui est les enjeux philosophiques ou politiques qu'il y a derrière ça, c'est ça. D'ailleurs, on avait appelé ça politique fiction à l'origine parce que le premier qu'on avait fait lors de notre première émission, il y a déjà presque 2 ans. C'était justement à propos de Star Wars, c'était l'économie dans l'Empire galactique. Ce qui est magnifique, c'est qu'avec le rachat de Disney, maintenant, il y a des nouveaux Star Wars, donc on peut parler de nouvelles affaires. Là, c'est le moment où ce qu'on va dire, par contre, spoiler alert, on va parler du dernier Star Wars, de Last Jedi. On prend pour acquis que tout le monde a un peu entendu parler de ce qui se passe dedans, mais on va quand même rester assez dans le général. Ouais, de toute façon, si vous ne l'avez pas vu, il n'est plus au cinéma, c'est de votre faute, fait que vous avez le droit d'être spoilé. Ouais, donc ce de quoi on voulait parler, en fait, c'est la notion de masculinité toxique. Je sais pas si tu as une définition, Lucas, qui serait meilleure que la mienne, parce que moi, je bégaye quand je me mets à dire des choses comme ça. Masculinité toxique, ben, c'est un concept souvent qui dans les milieux féministes pour parler de... bon, vous voyez, tu sais, la caricature, le contrat de gars, si vous êtes de ma génération, vous connaissez, ouais. Là, l'espèce de volonté toujours d'être viril, d'être un héros courageux. Celui qui fait l'affaire la plus mâle possible. Ouais, c'est ça. C'est comme le terme technique pour parler de ça. Puis, c'est ça, il y a un article qu'on va partager sur notre page Facebook après l'émission qui a pas mal fait le tour des médias sociaux, justement, qui disait qu'en fait, dans The Last Jedi, le vrai vilain de l'épisode était la masculinité toxique. C'est que ce qu'il faut, bon, il y a différents moments dans le film où ce que, ben, les héros habituels, ce qui est un peu incarné par le personnage de Poe Dameron, tu sais, le mec au teint un peu méditerranéen qui fait le cowboy avec son vaisseau spatial là, qui va le film commence avec lui qui entre guillemets réussit une mission mais fait exploser presque toute la flotte rebelle du même coup. Donc, il se fait taper sur les doigts après pour ça, alors que ben, dans un film habituel, y compris dans les Star Wars précédents, y compris le dernier qui est sorti il y a 2 ans, ça aurait été comme ça que, bon, c'est comme ça que le film se règle. On sauve tout le monde, puis tout bad pour les personnages qui n'ont pas de nom, qui meurent dans le processus. Ouais, c'est le concept Han Solo. Le personnage même est l'archétype du héros masculin qui fait juste c'est pas grave, je vais foncer dans le tas parce que de toute façon, il n'y a rien qui peut m'arriver parce que je suis mâle. Hein? C'est ça, exactement. Il se fait taper sur les doigts. La personne qui finit par un peu sauver tout le monde, qui se sacrifie en fait, c'est une femme qui a les cheveux mauves. D'ailleurs, c'est presque triste qu'on perde ce personnage-là à cause de son sacrifice parce qu'il y avait vraiment un bon... on aurait aimé la voir continuer à évoluer dans l'univers. Mais c'est ça, on remarque un peu tout le long, tous les thèmes dans le film, c'est toujours... À toutes les fois où, en fait, ce qu'on pourrait voir le cliché du héros qui, un exemple, c'est dans la scène finale, Finn qui, là, on va rester générique, mais Finn qui, jusqu'à la dernière minute, semble aller se sacrifier pour sauver tout le reste de la gang, finalement, se fait lui-même sauver à la dernière minute pour l'empêcher de faire ça. La grosse morale du film, c'est pas besoin de... Quand on est rendu affaibli comme on l'est. C'est ça. L'important, c'est pas de se sacrifier pour sauver les autres, c'est juste de protéger ce qu'on aime. Voilà. Donc, c'est de protéger les autres. C'est une chose, entre autres, que tout le conflit intérieur de Luke Skywalker qui vit tout le long du film, il hésite un peu avec ça, entre l'espèce de légende autour de lui et plutôt rester comme un ermite et ne pas encourager là, la violence par ses actions, des choses comme ça. Oui, exactement. Parce qu'il faut noter, c'est qu'à chaque fois qu'un héros semble faire... dans le film, semble prendre une action qui est un peu justement le cliché d'un héros qui veut sauver le jour, c'est toujours ça, en fait, qui rend les choses pires pour la suite de l'histoire. Mm. C'est ce que j'avais trouvé intéressant. Puis justement, c'est un des trucs qui a fait gueuler beaucoup de femmes. Je sais pas si tu as vu passer, les fans, on va dire fans avec beaucoup de guillemets, là, parce que je trouve que c'est plus des beaux-os rendus là, qui ont fait une version... de Star Wars coupée d'une heure où ils ont enlevé tous les bouts qui jugeaient trop féministes du film. Puis, ouais, ça a fait le tour des torrents puis de ces milieux-là, là, on peut s'imaginer. Puis, bon, parce que c'est un peu l'idée en arrière de « Oh mon Dieu, mais ça gâche la série de féminiser ça. » Puis, « Oh mon Dieu, la résistance là-dedans, ils ont ben trop essayé de faire un truc intersectionnel avec beaucoup de minorités, tout ça. » Alors que, de base, je veux dire, c'est un empire intergalactique, tu sais. Je veux dire, de base, c'était très cosmopolitain, hein. C'était le but, tu sais. Même les anciens Star Wars l'étaient beaucoup. Puis même le mal incarné d'un vieux Star Wars, c'était l'Empire. L'Empire, c'était justement une espèce de d'empire fasciste qui est peuplé de, dans ce cas-là, c'est pas les personnes de couleur, mais c'est les êtres humains versus les autres races qu'on passe notre temps à croiser, mais il y en a aucune qui a le droit de travailler pour l'empire, mettons, ou être des semi-légaux, des chasseurs de primes, des choses comme ça, mais c'est tout. Donc, c'est seulement de faire arriver Star Wars en 2018, à un moment donné. Oui. Puis, une chose qui est relevée dans l'article, justement, est le fait que Star Wars, en fait, a toujours voulu jouer dans les craintes de l'époque à laquelle le Star Wars sort. Si on reprend la trilogie originale, c'est quoi que les gens craignaient? Ils craignaient une étoile de la mort, un outil de destruction massive qui peut détruire une planète. On est en pleine dans la guerre froide, là. Ça l'a toujours. Puis ensuite, les préquels, la première trilogie, disons les trois premiers épisodes, c'était quoi l'enjeu? En fait, l'enjeu, c'était la corruption dans un gouvernement démocratique, le rôle de l'argent là-dedans, parce qu'on ne faut pas oublier que de base, Palpatine, c'est grâce à du commerce un peu louche qu'il a réussi à placer ses pions comme il l'a fait. Puis bon, en même temps, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers deux ans, c'est quoi les grosses craintes qu'on a? Un peu en blague, l'article, ce qu'ils disent, c'est que, en fait, ce qui nous fait le plus peur présentement, la plus grande peur qu'on peut avoir pour la planète présentement, c'est qu'on ait un jeune adolescent immo qui est nostalgique du passé puis qui veut juste ramener des vieux vestiges de trucs un peu tyranniques au pouvoir. Mm-hmm. c'est à la fois un peu drôle et un peu juste. Ouais, c'est ça, ils ont pas, au moins il est pas orange dans le film, toujours cet adolescent là, contrairement à un peut-être qu'on pourrait croire qu'il existe dans la vraie vie. Mais c'est ça, donc c'est un peu les thèmes qu'on voulait aborder par rapport à ça. En réponse, je disais tantôt qu'il y a eu un montage spécial là, par des espèces de fans bizarres de Star Wars qui ont enlevé les femmes du dernier épisode. Il y a eu une réplique à ça. Il y a eu des gens qui ont fait un montage de « Il faut sauver le soldat Ryan » dans lequel ils ont enlevé toutes les scènes avec des hommes, des scènes justement de masculinité toxique, ce qui fait un très bon film de 15 minutes complètement contemplatif. J'avais trouvé ça très drôle. Déjà, ça doit être drôle, celui de Star Wars. C'est le genre d'affaire que tu regardes plus pour rire qu'autre chose, en fait, là, parce que ça doit complètement mêler la trame narrative. Absolument. Ça amène, en fait, une question même un peu plus profonde. C'est que c'est où tu mets la ligne à un moment donné. T'sais, pourquoi est-ce que certaines personnes se font offusquer par juste le fait que les thèmes soient moins hommes virils? Puis d'ailleurs, on s'entend, les fans très habituels de Star Wars, c'est pas nécessairement les plus gros macho-man, mettons. Je disais en blague, là, tantôt quand on parlait du fait qu'on était un peu nerd, nous deux, qu'on n'était pas des grands sportifs, puis ainsi de suite. Je veux dire, le fan typique de Star Wars est un peu de même, justement. Là, on dit ça en blague, mais c'est quand même un peu ça. Je veux dire, c'est juste surprenant de voir cette obsession-là un peu de ne pas laisser de place. C'est un peu comme c'était un peu un parallèle avec ce qui se passe dans tout ce qui est le milieu des gamers. Une fois de temps à autre, une couple de fois par année, ça arrive là, qu'il y a un jeu qui sort, que... on met l'emphase un peu sur le fait que c'est une héroïne qui sort un peu des tropes habituels là, du personnage féminin. Là, des archétypes. Des archétypes, c'est ça. Puis que là, franchement, ils ont essayé de faire un jeu féministe. Puis tout. Là, mais... ouais, en tant que fan de Doctor Who, tous les deux, on a bien vu qu'est-ce que ça donne. Là, ouais, c'est ça. Pour ceux, on va probablement en reparler dans le courant de la saison, mais le docteur est maintenant une femme. Ouais. Il y a beaucoup de gens que ça l'a dérangé, hein, parce que, mon Dieu, mais le docteur a toujours été un homme. Faux! Le docteur a toujours été un extraterrestre. C'est ça, il est capable de changer d'apparence. C'est un peu l'idée du personnage, mais ouais. C'est quelque chose qu'on voit, je crois, un peu partout, là. Oui, il y a toujours un fond réactionnaire. On parlait en blague d'un adolescent immo orange, qui on dirait que c'est en même temps, c'est un peu un cas de la poule est arrivée avant l'œuf, mais c'est un peu un retour d'un certain conservatisme en même temps qui a de plus en plus de traction, mettons, dans la pop culture actuellement. Puis bon, on a l'impression que d'un côté, c'est sûr que les milieux artistiques ont tendance à être plus libéraux, mettons, et plus progressistes, mais ça reste que les gens qui consomment ces mêmes... C'est la culture de masse, surtout. C'est ça, la culture de masse. Ben là, t'as un peu de tout le monde, et t'as y compris des gens très réactionnaires. Fait que... C'est ça, ça donne, disons, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Parlant de réactionnaire, je pense que c'est à mon tour de l'être. Hein? Oui. J'ai jonglé, vous avez sûrement entendu parler, justement, parlant de Star Wars, Disney qui rachète Fox. Hein? Parce qu'on se rappelle, le lien semble ténu, mais c'est parce qu'il faut se rappeler que Disney a racheté Star Wars. En fait, des fois, on aime bien dire que Disney a payé 3 milliards pour que George Lucas ait plus le droit de scraper sa série. Là. Mais ça, c'est un autre. Mais oui, c'est, depuis une couple d'années, Star Wars, la franchise Star Wars est la propriété de Disney. Donc, Lucas... Oui, ben c'est ça. On dirait que depuis l'annonce, depuis cette annonce-là, je suis un peu en dissonance cognitive. Hein, parce que d'un côté, je suis extrêmement heureux de savoir que, par exemple, l'univers Marvel, hein, ils vont enfin pouvoir amener les X-Men. Ils vont enfin pouvoir amener les Fantastic Four. Spider-Man, c'est Sony. C'est vrai. on a déjà Hugh Jackman qui a commencé à dire qu'il serait prêt finalement à continuer à faire Logan pour Marvel s'il y avait des scénarios bien écrits. Je crois qu'il a le droit de se permettre d'être sélectif. Hein? Je pense que ses preuves sont faites, cet acteur-là. Parce que après avoir fait le film Logan, on s'entend qu'il est un petit peu tanné de jouer le personnage. Ouais. Surtout, j'ai vu un mini-documentaire sur... l'entraînement qu'il doit faire pour être Wolverine, puis bon, ça fait quand même quoi, 15 ans qu'il fait le personnage? Il a hâte de boire une bière, genre. Il a vraiment hâte de boire une bière. Mais hey, juste les scènes, pour l'anecdote, juste les scènes de Hugh Jackman, Wolverine en chest, faut qu'il soit 48 heures sans boire d'eau avant. Faire sortir les veines. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment un truc de culturiste là, qui doit subir. Mais bon, hein, pour l'anecdote, le prochain film, ben, pas le prochain film, le deuxième prochain film de Marvel qui sort, c'est Infinity War, Avenger. Puis, s'il y a bien une occasion de peut-être emmener les X-Men dans l'univers Marvel, ça pourrait être ça. Parce que, bon, premièrement, pour ceux qui suivent pas trop ça, Infinity War, en gros, c'est quoi? C'est le gros méchant Thanos qui devient un dieu omnipotent puis qui peut faire absolument tout ce qu'il veut. Donc, fusionner deux univers parallèles pour dire « Hey, bonjour, on ramène les X-Men dans notre monde », ça pourrait très bien se faire. Hein? Puis, il faut pas oublier non plus que, pour les deux, trois personnes qui ont lu les comics, dans les comics, dans la Infinity War, Wolverine est le seul qui réussit à blesser Thanos quand Thanos est un dieu. Hein? Fait que, décidait de le ramener... Il y aurait cette occasion-là. Mais je parlais de dissonance cognitive aussi, parce qu'il y a quand même un petit quelque chose de malsain dans le fait que Disney, comme ça, rachète Fox. Parce que, bon, il y a quelque chose qu'on appelle en économie des monopoles concurrentiels. Et c'est ce qui arrive un peu présentement avec Disney, c'est-à-dire que, bon, des grosses maisons de production à Hollywood, aux États-Unis, ben en fait, il n'y en a pas beaucoup hein, qui font des films. Il y a Warner Bros., il y a Sony, Universal, il y a Disney, il y avait Fox... Et je crois que j'en oublie une. Mais en fait, c'est déjà, il y a une espèce de... On peut pas dire monopole parce qu'il y a quand même plusieurs grosses boîtes. C'est un oligopole. Oui, mais c'est ça. On appelle ça habituellement c'est un monopole concurrentiel. C'est-à-dire qu'il y a officiellement de la concurrence, mais il y a assez peu de joueurs qui peuvent se permettre de se faire de la concurrence pour qu'ils puissent décider eux-mêmes les règles du jeu. Puis bon, c'est quelque chose qui est un peu effrayant. On parlait, tu sais, bon, on a beau aimer Star Wars, ça reste quand même un gros exemple de culture de masse et c'est un gros pouvoir, le fait de décider un peu qu'est-ce qui va dominer la culture dans le monde, en sciences politiques, ce qu'on appelle du soft power, le fait de pouvoir établir que ben, dans les films que les gens vont consommer, dans les séries télé que les gens vont consommer dans la prochaine année, ben ceci seront les thèmes qui seront abordés. C'est ce que certaines personnes décident qui va être important. Donc, ils peuvent décider que, bon, ben cette année, on va parler beaucoup de la thématique, je sais pas moi, de l'espionnage, des données privées ou l'intelligence artificielle, parce que, bon, c'est un débat qu'il faut aborder, mais en même temps, ça se peut que la même maison de production ait pas du tout avantage à ce qu'un des enjeux les plus parlés soit, je sais pas, l'évasion fiscale ou n'importe quoi. Ou mettons une compagnie qui a des intérêts dans la câble-distribution qui serait portée à... refuser des projets de films, mettons, qui porteraient sur la neutralité du net ou des choses comme ça. Oui. C'est un exemple comme ça. C'est un exemple comme ça. Comcast. Oui, bien, puis Disney, en soi, on sait qu'ils ont beaucoup d'intérêts, disons, qu'ils sont pas nécessairement en territoire américain. Ils ont à gagner un peu d'avoir ce soft power-là. Déjà, en fait, Disney possède, je n'ai pas la liste exhaustive, mais Disney possède des chaînes de sport, Disney possède des chaînes pour la famille, possède beaucoup de choses, en fait, qu'on pense pas qui appartient à Disney. Justement, on y pense pas toujours, mais Marvel, ça appartient à Disney. Ils mettent pas le logo Disney avant chaque film des Avengers, mais c'est quand même une propriété de Disney. Mm-hmm. Ça fait effectivement beaucoup d'appareillage, on dit presque propagande, en fait, là, qui est entre les mains d'un petit groupe de personnes. Mm-hmm. Et bon, tu sais, je veux dire, c'est pas des conversations. Je veux dire, ils osent quand même aborder certaines problématiques très importantes, là, mais c'est pas tout le monde qui aurait la même... c'est pas tout le monde qui aurait autant de... C'est le problème du, tyran éclairé, en fait. C'est que c'est le fun. Un tyran éclairé, c'est le fun tant que le tyran reste éclairé, mais le jour que le tyran n'est plus éclairé, bien, on vous est pris avec juste un tyran. Fait que présentement, Disney ont une certaine rigueur, une certaine... font mettre de l'avant des thèmes intéressants dans leurs œuvres, mais le jour que Disney se fait avaler par une autre compagnie ou simplement que les grandes têtes de Disney changent, peut-être que finalement ça va changer de... Puis là, on va tomber dans la propagande militariste et ainsi de suite. Déjà qu'on l'est un petit peu pareil. Effectivement. Okay. Puis bon, d'ailleurs, Disney vont lancer, ça a été annoncé, ils vont lancer leur chaîne de streaming bientôt. Mm-hmm. Donc, tout ce qui est Disney, là, on parlait justement, tout ce qui a été fait par Fox, tout ce qui a été fait directement par Disney, mais aussi tout ce qui concerne l'univers Marvel, par exemple. Pixar, maintenant, appartient à Disney aussi. Donc, toutes ces choses-là vont être, par exemple, retirées de Netflix puis des autres concurrents. C'est un peu le pouvoir que ça donne, les monopoles concurrentiels. Par exemple, il n'y aura plus de films ou de trucs comme ça de Marvel sur Netflix. Ils vont pouvoir garder les droits des séries qui sont déjà en place, une chance. Mm. Mais ils ne pourront pas en avoir des nouvelles. Parce que, bon, Disney va bien vouloir garder les droits pour eux-mêmes. Ben, ils ont déjà annoncé qu'effectivement, ils retiraient tout le contenu qui appartenait à Disney sur Netflix. Là. C'est déjà annoncé depuis longtemps, en fait. Là. Donc, c'est ce type de gros pouvoir-là. Puis, ça donne des choses un peu problématiques au sens où, par exemple, imaginons que, pour les gens qui suivent un peu l'univers Marvel de Netflix, imaginons que Netflix voulait amener... une nouvelle série sur un personnage qui a rapport justement avec l'univers des Defenders, Disney va avoir le loisir de leur dire « Ben non, parce que vous êtes notre concurrent. » Pas parce que Disney veut eux-mêmes utiliser le personnage. Il y a plein de personnages qui pourraient ne pas vouloir utiliser, mais ne pas laisser un concurrent non plus l'utiliser parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. C'est un peu en fait le même problème que, mettons, Spider-Man et l'univers de Marvel actuel. Que là, ça vient de se régler justement avec Sony, mais que pendant longtemps, Sony faisait des films de Spider-Man juste pour garder les droits du personnage. Oui. Même chose, les films des Fantastic Four. Le dernier Fantastic Four, s'il était si mauvais que ça, c'est parce que, ben en fait, il a été fait uniquement pour que là encore, Fox garde les droits des Fantastic Four, ça finit là. Effectivement. Okay. D'ailleurs, ce qui est intéressant à propos de ça, c'est le fait que j'ai complètement perdu le fil de mon idée, mon cher. C'est triste, ça. C'est triste quand ça arrive. Je pense que c'est un signe qu'on est dû pour arrêter cela. On est dû pour arrêter cela. Retourner en chanson? On va retourner avec les canailles. On va vous lancer ça immédiatement. Backflip. C'était Canaille avec Backflip et c'est déjà tout pour aujourd'hui. On va être en rediffusion samedi matin, je ne sais pas encore à quelle heure, et si vous êtes sage, en balado-diffusion sur notre page. D'ailleurs, prenez le temps de liker La sortie de secours est à votre gauche sur Facebook. Donc, on se revoit la semaine prochaine, jeudi à 18h, et reste pour une toute nouvelle émission, évidemment. Et vous pouvez toujours rester en onde parce qu'on est suivi tout de suite par Très Blues Assez Fou avec Denis Beaudin.